Viens poupée, on ira à la fête. Viens danser, l'aider dans sa tête. Depuis qu'elle a grandi, votre monde a disparu. Elle est dégoûtée de la vie, et du coup elle se tue. Je veux qu'elle se trouve belle encore, qu'elle continue de rêver. Regarde, on la voit du mirador. Regarde comme elle a perdu le verbe aimer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, mais elle pleure. Aide-la à reprendre des forces. Redonne-lui du courage. Elle a eu tant d'un divorce. Son âme a fait ses bagages. Je l'ai vu ne plus manger, ne plus prendre soin de son soleil. Je pouvais pas l'aider. Elle m'éloignait de son sommeil. Je veux qu'elle se regarde encore, qu'elle se retrouve belle. Regarde dans la voie du mirador. Elle ne regarde même plus le ciel. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, mais elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, mais elle pleure. She's alone, lost in the street. She shudders in the skull. She is lost. She cries, she cries, she cries.